personne à voir. Je traîne au fond du bar. Une fille habillée comme un arc-en-ciel regarde ce type assis à côté d'elle et rêve d'échapper belle.